بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Quand le secours divin arrive, suivi de la victoire, et que toi, prophète, tu vois les hommes embrasser la religion d'Allah par vagues successives, glorifie alors le nom de ton Seigneur et implore son pardon, car il est toute indulgence.